jump. Hein. Ouais, ouais, ouais. Les bras en l'air, gars. J'suis pas en l'air, gars. Non, non. Jump. Quand c'est ODS qui rappe, quand il frappe, c'est jump. Le son qui tracklist, tu l'ajoutes dans ta tracklist. Jump. Car j'suis venu là pour choquer, chauffer, rosser. Jump. Un scot dans les bacs, on promet trop fait donc. Jump. Les basses crack, les baffes sain et ta sono jump. Jump. Faut que ça pense dans ta tête, c'est vrai que tense bump. Jump. Dans la scène, bouge tes fesses sans être obscène, c'est jump. Donc j'assène, c'est toi et ta scène. J'aimerais être hors norme, agent SX au mic rare. Comme les métaux or ou argent, le mettez hors norme. Balance le métronome, trop énorme, BBM, moi. Qu'un homme, j'ai la forme sur tous les BPM. Wow. Économe, j'perds pas mon temps à jouer les bonhommes. En somme, j'suis pas au summum, mais j't'assomme, homme. J'change de rime, ok. J'débarque à révoquer. Dark à kill tour qui veut me test. Quel est le MC à révoquer? Chaud, qui rien n'est acquis. Trop, qui est mon rap taille flow. Qui est mon place, ouais. Chaud, quand tu aimes pour l'air que j'respire, j'expire. Pas moyen d'être bien quand j'respire. Espère, enfin, j't'inspecte. Spéculer, tu veux qu'on te respecte. C'est très spectaculaire, j'm'amène avec mes respects. SM3 ma clique, pas de clic, clic ici, KJP. LOKOSX, on vient s'exhiber. Jump, quand c'est ODS qui rappe, quand il frappe, c'est jump. Le son qui tracklist, tu l'ajoutes dans ta tracklist. Jump, car j'suis venu là pour choquer, chauffer, rosser. Jump, un scot dans les bacs, on promet trop fait donc. Jump, les basses crack, les baffes sain et ta sono jump. Jump, faut que ça fence dans ta tête, c'est vrai que tense bump. Jump, dans la scène, bouge tes fesses sans être obscène, c'est jump. Donc j'assène, c'est jump, toi et ta scène. C'est mon QG, ODS mon crew, SM3 mon groupe, la coupe court, les groupes, puis encore putain, quel QG, faut que ça casse pas. Les watts, ouais, leur interne. Les wak et jacques, ceux qui jacques, je les aurais à terme. Pas de parodifice, sache que mon paradis fiscal. C'est RAP où je mise, tout je bâtis mon édifice. Car ma carrière débutée, je dois abattre des barrières. DM si me battait, mais j'ai resserré les carrières. Et ouais, c'est horrible. Incandescent, on maquait horrible. Indécent, ouais, je m'en fous et fraîche là où c'est aride. Une flèche passe ici, reste assis et cesse de chercher à me tester. C'est ça, et ferme ta gueule aussi. Crack, quand c'est du bon son, mes tracks frappe. J'aime quand c'est Chess qui rappe, quand il t'attrape, c'est clair. Je te kick sur la caisse claire, une fois de plus. SX, premier opus, ma puce. Jump, quand c'est ODS qui rappe, quand il frappe, c'est jump. Le son qui tracklist, tu l'ajoutes dans ta tracklist. Jump, car je suis venu là pour choquer, chauffer, rosser. Jump, un scot dans les bacs, on promet trop fait donc. Jump, les basses crack, les baffes sain et ta sono jump. Jump, faut que ça fence dans ta tête, c'est break dance bump. Jump, devant la scène, bouge tes fesses sans être obscène, c'est jump. Donc j'assène, c'est jump, toi et ta scène, c'est jump. Quand c'est ODS qui rappe, quand il frappe, c'est jump. Le son qui tracklist, tu l'ajoutes dans ta tracklist. Jump, car je suis venu là pour choquer, chauffer, rosser. Jump, un scot dans les bacs, on promet trop fait donc. Jump, les basses crack, les baffes sain et ta sono jump. Jump, faut que ça fence dans ta tête, c'est break dance bump. Jump, devant la scène, bouge tes fesses sans être obscène, c'est jump. Donc j'assène, c'est jump, toi et ta scène, c'est jump.